1 Corinthiens chapitre 16. Touchant la collecte qui se fait pour les saints, faites comme j'en ai ordonné aux églises de Galatie. C'est que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi ce qu'il pourra assembler, suivant la prospérité que Dieu lui accordera, afin que lorsque je viendrai, les collectes ne soient point à faire. Puis quand je serai arrivé, j'enverrai ceux que vous approuverez par vos lettres, pour porter votre libéralité à Jérusalem. Et s'il est à propos que j'y aille moi-même, ils viendront aussi avec moi. J'irai donc vers vous, ayant passé par la Macédoine, car je passerai par la Macédoine. Et peut-être que je séjournerai parmi vous, ou même que j'y passerai l'hiver, afin que vous me conduisiez partout où j'irai. Car je ne vous veux point voir maintenant en passant, mais j'espère que je demeurerai avec vous quelque temps, si le Seigneur le permet. Toutefois je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une grande porte, et de grande efficace, m'y est ouverte, mais il y a plusieurs adversaires. Que si Timothée vient, prenez garde qu'il soit en sûreté parmi vous, car il s'emploie à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Que personne donc ne le méprise, mais conduisez-le en toute sûreté, afin qu'il vienne me trouver, car je l'attends avec les frères. Quant à Apollo, notre frère, je l'ai beaucoup prié d'aller vers vous avec les frères, mais il n'a nullement eu la volonté d'y aller maintenant, toutefois il ira quand il en aura la commodité. Veillez, soyez fermants la foi, portez-vous vaillamment, fortifiez-vous. Que toutes vos affaires se fassent en charité. Or, mes frères, vous connaissez la famille de Stéphana, et vous savez quelles sont les prémices de la chaille, et qu'ils se sont entièrement appliqués au service des saints. Je vous prie de vous soumettre à eux, et à chacun de ceux qui s'emploient à l'œuvre du Seigneur, et qui travaillent avec nous. Or je me réjouis de la venue de Stéphana, de Fortuna, et d'Achaïque, parce qu'ils ont suppléé à ce que vous ne pouvez pas faire pour moi. Car ils ont recréé mon esprit et le vôtre, ayez donc de la considération pour de telles personnes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est en leur maison, vous saluent affectueusement en notre Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous l'un l'autre par un saint baiser. La salutation est de la propre main de moi, Paul. S'il y a quelqu'un qui n'aime point le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour s'étend à vous tous en Jésus-Christ. Amen.